Ici Kiskeya. Alors, restons-y. 88.5 MHz chez nous. Bien qu'on ait, bien comprendre. Ni mystère, ni cache-cache libé, serré libé. Conjoncti, histoire, économie, kilti. En profondeur, nan causeo ak professeur Jeanne Léonidas, lundi, mardi, 8h10 na matin, jeudi, vendredi, 8h9 na matin, sur Radio Télé Kiskeya ak réseaux sociaux. En profondeur, en profondeur. Jours passés, années passées, mais ça m'a pas campé. L'a continué de travailler pour garantir bon qualité la soignaille. Ça m'a ophtalmologie et lunetterie, a dit chaque compatriote, à client lio, bon courage. L'espoir pas jamais perdu l'espoir. On continue qu'aux les épaules, pour nous gagner la paix qui permet nous tous vivre en bonne santé. Mais avantage, ça m'a offert pour aider à traverser ces difficultés moments. Depuis jeudi à même, pris consultation yo pour j'ai nez, gorge, axe oreille baissé, avec un PIA rabais 30% sous toute lunette lio. Puis intéressant toujours, rabais 40% sous toute monture qui gagne gros nom yo. Tant que Versace, Linea Roma, Gucci, Fred, Montblanc, Dolce & Gabbana, Chariol, même si nous ne pouvons pas d'octane, courir vite, vin choisir gros Mac monture pour là, parce que PIA n'a pas duré longtemps. Notez bien, Sama prend assurance privée coût public. N'a pas besoin de Sama ophtalmologie et lunetterie dans l'adresse Sayo. Pétionville, 3 rue Clairvaux, téléphone 509 40 66 87 87 39 46 94 94. Delma, numéro 412, entre Delma 48 et 50. En face, laboratoire 4C. Téléphone 509 32 31 73 31. Carrefour, entre Côte-Plage 24 et 26. Téléphone 509 33 49 40 57. Oh! Sou qu'est-ce que vous avez sonné en dedans là, petit papa? Ah! Ou ap grillé dedans, moi m'ap moua en grippe pété fiel. T'es qui avec Bronco? Bronco? Oui! Bronco viral! Ti non jouette li, c'est casser la grippe. Tout bouteille à ta dame jaune, gen bouchon yo. Grippe, tous, éteigné, nez bouché, gauche fait mal, bouchon yo relé Bronco viral. Bronco viral? Yon tigren! Qui se yo gros grain? Côté là m'a fait tout membli yo konnen. Succursale Damien, Tablicol Kounière, dans numéro 36, toujours sur route nationale numéro 1, dans station gasoline perpétuelle là, bloc Caso. C'est là côté là m'a tande nous toutes chaque jour. Depuis 8h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi pour ba nous bon qualité service à quel content. Qui donc moun la plaine? Ça Butte-Boyer, Canard, Jérusalem, avec toute zone qui pas loin de succursale là, dans Tiguine, Namapou, Sobadji, Kafouchada, Marin, ou même qui souraille, dans le corridor Jo, dans Bozo et Latrier, n'a pas invité au Vinfessol main en main, même Jacques, tout l'autre membre nous. Côté l'âme, fais-moi confiance, m'a fait confiance. Côté l'âme, 2209 5123, www.côtélame.com. Pendant un tremblement de terre, mes comportements ont été gagnés. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté où tu déjà choisi pour 6 au cas. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre apprend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer dans la caille. Tout autant pas gagner autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine côté li pas en bas ni caille ni câble électrique et puis pas descendre machine. Pas arrêter bol en main. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepty. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Si on pas pressé, on fait un petit cousé. Chita m'a gardé, semble c'est tout bon bois mavé. Est-ce que ville ça va gagner grande pour ton prince pour nous parler. Yo team bon fanfare, yo l'ostel maestro, fusil à chanter, refrain dans le mystérieux. Est-ce que je pouvais jeunesse la Seigneur fils de chargé? Est-ce que je pouvais faire avec ses à croiser l'épée?